À l'occasion du 5e Festival international en l'honneur des grands hommes Pectosan, le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité japonais pour le soutien à la réunification indépendante et pacifique de la Corée, la délégation des hommes d'activité pour l'amitié nippo-coréenne et l'association d'échange Singapour-Corée ont fait parvenir les corbeilles de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Les corbeilles ont été transmises le 15 courant aux cadres coréens intéressés.